une histoire particulière. Fabienne Cabou est en prison. Elle est entrée dans l'histoire des grandes affaires criminelles et pour une part, son crime ne lui appartient plus. Sa puissance morbide emporte dans son sillage des images venues de loin. La force noire, le vaudou, la cruauté des mères, le mal sans raison. Il faisait tellement noir, la lune était comme un projecteur, comme un appel de phare. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, Nejma Bouakra et Marie-Laure Ciboulet vous emmènent à Berck-sur-Mer, là où tout a commencé. On m'ordonne d'aller à Berck, aussi étrange, drôle et cocasse que cela puisse paraître. J'ai vu ce nom de Berck plage et j'y suis allée car c'est sinistre. Et le nom accrochait et c'était désagréable. Et j'ai choisi cela plutôt que le Touquet qui faisait plutôt vacances. Fabienne Cabou, que la mer emporte son corps. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour cela que je note tout ça, que je fais des annotations dans mon journal. Il n'y a pas d'abri ici? Non. Si, les abris sont là, ici, sous les auvents. Hein. Mais on n'est pas à l'abri du vent ni de la pluie, c'est sûr. J'entrais avec ravissement dans le mois des tempêtes. Comme disait Chateaubriand, c'est mon corps. Moi, je suis sur la plage tous les jours, de 6h30, 7h jusqu'à 8, 9h. Je fais mon petit tour de plage. Et puis, je regarde. Et puis, ouais, ça me plaît énormément. Mais qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ce qui m'a incité à regarder dans cette direction, c'était les phénomènes de marée qui m'avaient impressionné. À cette heure-ci, elle est haute. Elle va descendre. Là, elle commence à descendre, déjà progressivement. Et si vous repassez d'ici une heure ou deux, elle sera ici à un petit kilomètre. Elle est à quelle heure la marée basse? Voilà, ici vous comptez maintenant une paire d'heures. Hein. D'ici une paire d'heures. Hein. Il fera noir. Hein. On voit rien. Allez, ça coupez parce que ce que je vais vous dire, vous avez entendu parler, vous, à votre radio, là, de cette gamine qu'on a retrouvée sur la plage, là, qui a été noyée par sa mère. Là. Ben, je suis un des grands témoins de sa mère, c'est moi qui ai découvert le corps. Alors, vous savez, la plage, moi je la connais. Hein. Cette femme-là, je l'avais rencontrée la veille, hein. Comme je vous rencontre ici. Et c'est elle qui m'avait demandé où se trouvait la plage. Faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête. Un mercredi, je m'en souviendrai toute ma vie, un mercredi matin, je m'en vais me promener avec mon chien sur la plage. Et puis, je suis appelé par des pêcheurs à crevettes à l'époque, il en avait encore qui remontaient de la plage et qui étaient installés là devant l'hôpital maritime et qui hurlaient. Alors on m'a appelé, tout le monde me connaît, bon, hein, parce qu'on sonne, t'as un téléphone et tout, je dis que tu veux que je fasse, il faut appeler, il y a un cadavre sur la plage et tout. Alors moi j'avais vu cette petite chose sur la plage, j'étais sur la ligne, mais je pensais que c'était un phoque qui était mort, tu vois, j'étais tout petit. Je prends le train depuis Paris pour Berck, puis je prends le bus. Puis je trouve un hôtel. Je prends une longue douche avec ma fille. Elle est fatiguée. Elle dort un peu. Et puis vers 21h15, je sors de l'hôtel et je marche avec la petite en direction de la plage. Je tiens ma fille sous un bras. la poussette de l'autre. Tout s'enchaîne parfaitement. Tout s'est enchaîné tout parfaitement. Tout était huilé. On aurait dit que j'avais le vent tout dans le dos. Tout était huilé. Comme si je me sentais portée. Portée. Je n'arrivais plus à dire stop. Je savais que ça n'allait pas s'arrêter de toute façon. Et puis, il se passe que, figure-toi, il y a eu, dans le journal, il y a eu une photo de la mère, une photo qui est parue, qui a été prise à la gare du Nord. Et il y avait un avis de recherche sur cette femme. Alors, je regarde la photo, je dis, merde, je dis, cette femme-là, je dis, mais je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée mardi soir ici en Berck. Et elle m'a demandé la route pour aller sur la plage. Et je lui ai répondu à cette dame, une femme absolument gentille comme tout, c'est une femme, alors, au tribunal, on m'a posé un tas de questions... Est-ce que vous avez remarqué qu'elle était noire, ceci, cela ? Et c'était au petit jour, comme ça, quand il commençait à faire noir. Moi, j'ai reconnu la voix. J'avais mon vélo, je sortais de la boulangerie, je fais attention. Cette femme, très, très gentiment, j'entendrai toute ma vie. Le gosse, il pleurait. Elle m'a demandé simplement si je savais où était la plage. Et je lui ai dit, n'allez pas plus loin. Je lui ai dit, de toute façon, vous ne la verrez pas, puisqu'il fait noir maintenant. Bon, je lui ai dit, madame, c'est au bout de la rue. C'était là, ici, au bout de la rue. Je l'ai d'abord promenée. On a joué dans le sable. Elle a tété un peu, puis on est remonté. Je lui ai demandé pardon de ce que j'allais faire. J'étais arrivée à bon port. Et moi, ce que je viens de te dire là, je l'ai dit au tribunal de Saint-Omer, je l'ai dit aux assises, après, quand il y a eu appel du procès, je l'ai dit à l'avocat qui voulait me faire dire des choses absolument incroyables. Mais est-ce que vous avez entendu dans son sabot ceci, cela ? Mais bon, rien du tout. Bon, j'ai entendu une femme qui me parlait, c'est tout. C'est tout, comme le grand-père que je suis, qui poussait son petit gamin dans une charrette. Bon, et à un moment donné, elle a tapé au carreau. Là, elle était, tu sais, enfermée dans un truc. Elle a tapé au carreau pour interpeller son avocat, là, au tribunal. Alors, l'avocat l'a écouté. Alors, elle s'est levée, bon, c'est là que je l'ai vue, avec un grand sourire. Elle a dit tout ce que monsieur vient de dire était absolument exact. C'est tout. La première image que j'ai de Fabienne, c'est une jeune femme assise dans le couloir du cabinet du juge d'instruction. Et à l'instant où je l'aperçois pour la première fois, elle est comme absente. Elle n'est ni triste, elle n'est ni gaie, elle n'est rien du tout. Elle est complètement vide, elle est assise et son visage est totalement privé de toute expression. Elle est là, c'est tout. Fabienne Roy-Nancion, vous êtes l'avocate de Fabienne Cabou. Fabienne Cabou ne souhaite pas être défendue. Que faites-vous ? Effectivement, c'est la première chose qu'elle me dit. Elle me dit, un avocat, pourquoi faire ? Je ne suis pas défendable. Et donc je ne peux pas, et je ne veux pas être défendue. Et là je me trouve évidemment face à une difficulté majeure, fondamentale, et je lui réponds du tac au tac, eh bien je ne vous défendrai pas, je vous accompagnerai. Elle a penché la tête de côté, elle m'a dit, alors comme ça je veux bien. Et puis ensuite, je sais pas. Je sais pas, j'y vais tout doucement, j'y vais pas mesurer. Je sens bien qu'elle est réfractaire. Et dès le début, elle tient un discours, elle tient un langage qui est construit, mais irrationnel. Donc là, c'est très compliqué. On se dit, enfin, l'avocat se dit, mais comment je vais faire pour comprendre ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle raconte, quoi ? Je l'ai tuée. Je l'ai tué. En fait, j'ai mis fin à ses jours car c'était plus simple comme ça. Mon seul enfant. Mais tu continues à hésiter. C'est ce que vous voulez entendre ? Je lui ai planté un couteau dans le ventre. C'est ce que vous voulez entendre. Je l'ai laissé partir, c'est tout. Du haut d'un pont. La marée était haute et je l'ai jeté dans l'eau. Elle a rapidement reconnu les faits. Ah oui. C'est-à-dire, le premier interrogatoire de garde à vue, c'est mais non, pas du tout. Ma fille est partie avec ma mère en Afrique. Et puis le deuxième interrogatoire, c'est tout de suite, je vais vous dire la vérité. C'est moi qui ai tué Adélaïde. Alors, elle est quand même dans un délire puisqu'elle dit, j'ai pris un couteau, je l'ai jeté d'un pont. Enfin, c'était complètement hallucinant. Je cours. droit devant moi. Et quand je sens mes bottes alourdies par le sable mouillé, je m'arrête. Je serre ma fille contre moi. Elle est détendue. Je lui donne le sein. Je la berce. La petite s'endort. Je lui demande pardon et je la dépose sur le sable. Ce jour-là, dans mon agenda, les horaires au cours desquels je m'étais absentée de mon hôtel pour abandonner ma fille, parce qu'il me fallait une preuve de tout ce que je faisais. Alors à 21h, j'écris le mot « rien ». Je crois que la phrase qui me revient le plus, c'est à une question de la présidente du tribunal de Saint-Omer, qui demande à Fabienne Cabou pourquoi elle a tué son enfant. Je crois qu'elle lui répond « je ne le sais pas, j'espère que ce procès pourra me l'apprendre ». Alice Diop, et cinéaste. Dans ce que j'ai vu au procès, dans ce que j'ai compris d'elle, c'est qu'effectivement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi elle a tué son enfant. Il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est dans cette espèce d'impensé, dans cette espèce de trouble que monte l'angoisse et que monte cette angoisse que je pense qu'on ressent tous. Ce gouffre-là, finalement, il n'est absolument pas cerné. Et en fait, c'est un gouffre qui nous renvoie aux propres questions qui restent sans réponse dans nos propres vies, je pense. C'est des angoisses primaires extrêmement profondes qui sont remontées au moment où j'ai assisté au procès de Fabienne Cabou. Une autre phrase aussi d'elle que j'ai entendue au procès et qui m'a aussi amenée à Berck, c'est « j'ai déposé ma fille à la mer ». C'est cette idée du dépôt, en fait. J'ai déposé ma fille à la mer avec l'intention que la mer emporte son corps. Quelque chose d'extrêmement lyrique, extrêmement théâtral dans cette phrase. Moi, je l'ai entendu au sens psychanalytique. J'ai offert mon enfant à une mère plus puissante que moi. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a fait aller à Berck. C'est l'idée de cette insécurité, l'idée de cette incomplétude de mère et qu'en fait, il existerait quelque chose d'une mère beaucoup plus puissante que ce qu'elle n'était, de ce qu'on est toutes. Et je crois que toute l'histoire de Fabienne Cabou, elle tient dans cette puissance de reconnaissance que les femmes ont avec elle et avec cette histoire. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable ? Quelqu'un a tué mon enfant avec mes mains et je veux savoir qui c'est. Quelqu'un de stupide dans un coma éthylique ne fait pas ce que j'ai fait. Or, on dit que je suis intelligente. Le premier procès, en fait, on est arrivés toutes et tous avec beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections. Il y avait quelque chose d'une fascination, d'un intérêt, d'une curiosité. Et je dirais qu'elle nous a battu froid. Elle a paru tellement cassante, tellement froide, tellement monstrueuse, je pense qu'elle a perdu son procès le premier jour. Enfin, il y avait quelque chose de tellement distant, de tellement effroyable. Le sujet, c'est cette petite fille dont on a très peu parlé. Parce que, Madame Cabou, regardez-moi, je vous parle. Vous avez pris toute la place. Ce n'est pas parce que vous avez un QI de 135 et que vous êtes belle que nous sommes dans l'incapacité de poser des questions qui font mal, madame. Elle a paru extrêmement détachée de la gravité des faits, de ce qui se passait, vraiment très à distance. Je crois que c'est l'avocat général qui lui dit « Vous, vous êtes présentée à ce procès comme une reine sur un trône. » Et c'est quelque chose qui est pas acceptable. En tout cas, je peux parler que de mon effroi et de la manière dont je suis tombée de haut en la voyant ce premier jour. Elle refuse aussi de se présenter comme une pauvre petite chose, une pauvre petite souris, là, au fond d'un labyrinthe. Fabienne, elle est tellement droite, digne et puissamment intelligente que c'est compliqué aussi d'appréhender la détresse. Alors, quand l'accusé sanglote et s'exprime d'une voix chevrotante, qu'il s'évanouit dans son box, on appréhende facilement sa détresse. Mais une Fabienne, droite, belle, intelligente, cultivé. Vous croyez que ça respire la détresse, ça ? Très compliqué. Hein ? Elle a tous les défauts, ma Fabienne. Hein ? Elle est noire, elle est belle, elle est intelligente, elle est cultivée et elle est blindée de l'extérieur. Je voulais vous dire, madame, vous avez vidé cette salle d'assises de toute émotion. Vous avez apporté une froideur. J'aurais pu congeler mon bébé, c'était plus à la mode. La façon d'aborder Fabienne, c'est d'y aller à pas mesurer, c'est d'y aller à pantoufles de velours, en fait. Ne pas la braquer, ne pas la brusquer, parce que je comprends très vite que dès lors qu'on la brusque, elle sort les herses, quoi. Elle se mure immédiatement, elle ne répond plus, elle devient tranchante, elle devient presque cynique. Et moi, j'ai passé des journées entières à lui dire « Mais arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. C'est pas comme ça qu'il faut vous présenter. » Mais c'était malheureusement elle, et c'est aussi un symptôme de sa pathologie. Comme ça que ça fonctionne. C'est un symptôme. Mais pour faire comprendre ça à une cour d'assises, c'est très difficile, croyez-moi, parce que c'est l'impression que l'accusé donne, qui va influer sans doute sur la façon dont les jurés raisonnent. Raisonner face à une Fabienne Cabot, dans cette configuration-là, croyez-moi, ça ne devait pas être facile. Elle ne bouge pas, elle est silencieuse. J'ai compris que la mer était sur ma fille à mes bottes qui s'enfonçaient dans l'eau. Il faisait tellement noir. Je fais tout ça parfaitement machinalement. La lune était comme un projecteur, comme un appel de phare. C'est comme si une partie de moi était anesthésiée. Avez-vous pensé à faire marche arrière? Avez-vous eu envie de vous retourner? Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Fabienne entend le bruit de l'eau. Elle est tout près. Elle serre Ada contre elle. Elle s'accroupit. Elle lui demande pardon. Et elle dit non, non. Mais ça la dépasse. Elle la dépose et puis elle court. Elle court sans se retourner. C'est trop tard. C'est fini. Je crie non, non. Non, non, et je pleure. Derrière elle, non. Le néant s'est refermé. Non, non, non. Vous aviez peur parfois de perdre contact avec Fabienne Cabot? Oui, je craignais qu'à un moment, elle coupe le lien qui nous permettait de cheminer ensemble. Elle pouvait être dure, effectivement, avec moi, et dans le même temps être extrêmement proche. Mais dans ces moments-là, elle n'était pas hautaine avec moi. Et elle me disait toujours, chaque fois qu'elle sentait que je m'éloignais un petit peu de son monde à elle, elle me disait, Fabienne, allons, vous êtes restée sur la plage, vous aussi? Vous êtes restée sur la plage? Et je lui répondais, Fabienne, je tente de remonter de la plage, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, c'était le signal entre nous, c'était, Fabienne, vous aussi, vous êtes restée sur la plage. Vous restez comme les autres, sidérée. Par l'acte. Remontée de la plage. On a assisté ici après, ça m'avait un peu irrité à l'époque, les fameuses marches blanches et compagnie. Quelle marche blanche? Marche blanche des bonnes femmes éplorées et compagnie, et tout le monde habillé en blanc, avec un œillet blanc, et puis bon. Moi, je veux bien. Et puis, bon, on a été faire ici. Tu l'as vu, vu le travail, toi. Là, ici, au pied d'escalier devant Maritime, il y a au moins 150 peluches en train de croupir. Chacun ramène un nounours, des conneries, quoi. Alors qu'entre nous, ce livre, c'était aussi simple. On a un calvaire un peu plus loin. Il y avait qu'à aller mettre une plaque au calvaire. Ce qui a été fait, d'ailleurs, à ma demande. On a mis une plaque au calvaire pour se souvenir des gamines. Point final, c'est tout. Mais bon, ça va, quoi. Mais j'ai vu des choses absolument atroces après ça, quoi. J'ai vu, moi, des gens venir photographier. Des voyeurs, il y en a partout. J'ai eu même des témoins que je ne citerai pas sur la plage peu de temps après, qui ont fait des véritables conférences de presse à l'endroit où le corps était, et puis la presse généralement qui photographiait. Non, mais des conneries, quoi. On a vu le détective faire un montage avec une poupée sur la plage. Enfin, ouais, ça va, quoi. Mais oui, mais il faut arrêter. Tu les foutais par la porte ici, par la porte dehors, ils rentraient par le garage ou par une fenêtre, hein. Moi, je peux te dire une seule chose, c'est que moi, tous les gugus qui étaient autour du petit corps, c'est le seul qui fait un signe de croix, puis c'est tout. Maître, c'est difficile quand on plaide et qu'on est en face d'une affaire d'infanticide, face à toute cette émotion populaire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour l'endiguer? Ben oui, mais vous savez, c'est aussi la mode depuis quelque temps. On fait des marches blanches. On met des nounours et des bougies partout. Bon, c'est tout, c'est l'émotion qui s'exprime de cette façon, l'émotion populaire. Pour l'endiguer, on se coupe de cela. C'est tout. Le procès ne doit pas se faire dans l'opinion publique. C'est pas possible. Le soir où je l'ai assisté pour la première fois, Lorsqu'elle a été mise en examen puis placée en détention provisoire, une foule s'est jetée sur moi, oui. Me hurlant les pires choses, j'ai, dans les semaines, les mois qui ont suivi, reçu des lettres absolument ignobles de gens qui n'avaient pas le courage non plus de la signer et de mettre leur nom. Mais c'est tout, c'est comme ça. Nous le savons. Après, on se protège comme on peut, nous, sur le plan psychique. En fait, ce procès, je l'ai traversé dans des températures émotionnelles complètement contrastées, quoi. Mais vraiment, totalement fascinée, sidérée, en colère, dans une empathie absolue, dans une détestation d'elle, dans une violence. Enfin, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire, un procès d'assises, c'est quand même, on est au cœur de l'abysse, de l'abîme de l'âme humaine. Et en fait, on est traversé nous-mêmes par des choses assez dingues. Moi, je suis passée par « il faut rétablir la peine de mort », enfin des trucs, mais complètement ridicules. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement pulsionnel. Et avec le lendemain, non, mais enfin, il faut demander l'acquittement. Enfin, j'étais, mon regard sur elle n'a cessé d'évoluer. Il y a des moments où j'étais persuadée qu'elle était folle. Enfin, d'autres moments complètement. Enfin, c'est quelqu'un que je n'ai jamais réussi à cerner, et jusqu'à présent, je refuse de la cerner parce que je pense qu'elle est, c'est une femme insaisissable en fait. Alors moi, je pense à Ada. Ada, c'est le petit fantôme. C'est ce délicieux petit gazouillis que l'on entend au cours de cette vidéo avec ses petits sons, ses petits cris. Petit fantôme charmant aux yeux bleus et aux boucles noires. Petit fantôme qui est passé dans votre vie. Je ne veux pas tuer cet enfant. Et qui va vous accompagner maintenant, fiché dans votre cœur. Mais c'est bien de mes mains qu'elle est morte. Une mère fantastique qui finit par tuer son enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, non? Elle était une mère aimante. Alors c'est quelque chose d'incompréhensible pour celui qui entend cela, mais c'est pourtant la réalité. Déjà, une mère qui tue son enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une mère donne la vie, elle ne la reprend pas. Fabienne a profondément aimé sa fille, elle l'a plus que choyée, elle l'a plus que dorlotée. Un exemple, elle expliquait, et c'était vrai puisqu'on a eu des photos de ça, que tous les jours, elle massait Adélaïde. Après le bain, au moment d'échange, elle lui massait le corps avec une huile. Elle faisait le tour du Monoprix d'à côté pour trouver les meilleurs fruits. Adélaïde n'a jamais mangé un petit pot de sa vie. Enfin bon, sa courte vie, malheureusement. Elle dormait avec elle. Elle était d'une, voilà. Puis bon, dans la solitude qui était la sienne, elle était aussi dans la proximité absolue avec cet enfant. Ça, c'est l'idée maîtresse qu'il faut faire passer, qu'il faut mettre en évidence pour montrer bien que là, il y a une raison sur le plan psychologique, sur le plan psychiatrique. Je plaide non coupable parce que j'estime que quelque chose ou quelqu'un a agi en moi pour assassiner ma fille. Je veux savoir de quoi la mort de ma fille est-elle. Quelqu'un a tué mon enfant avec mes mains et je veux savoir qui c'est. Je voudrais savoir de quoi la mort de ma fille est-elle le nom. Le collège d'experts, qui était formé par les docteurs Zaguri, Coutenceau et Vilquin, disent à la barre qu'ils ont expertisé Fabienne Cabou séparément et ensuite qu'ils se sont réunis pour échanger et qu'ils se sont longuement, mais très longuement, opposés sur l'altération ou l'abolition. Et ils le disent, c'est pas moi qui le leur fait dire, ils le disent. On était à un cheveu de l'abolition, un cheveu, on était sur le fil du rasoir de l'abolition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, ils ont débattu, eux aussi. Incertitude, vous nous dites, incertitude. Ben, il y avait une incertitude sur le fait, effectivement, qu'au moment de l'acte, elle ne soit pas dans un état d'abolition totale de son discernement. Elle n'a pas été, au moment des faits, dans quelque chose d'absolument massif, une espèce de tourmente qui emporte le sujet. Il y avait un reste de débat, de réflexion. Et donc, nous écrivons dans notre rapport, « Sans aller jusqu'à écrire qu'elle en a délibéré avec elle-même, nous pourrions soutenir que l'impérativité de l'action imposée n'a pas été tout à fait absolue. Mais vous voyez que nous sommes dans des nuances. C'est-à-dire que nous sommes un tout petit peu en dessous de la barre, en quelque sorte. Pour conclure à l'abolition du discernement, il faut que seule la maladie soit en cause. Mais le problème, si vous voulez, que nous sommes des psychiatres, nous sommes des cliniciens, nous essayons de conclure sur le plan médico-légal, et nous maintenons un tout petit peu de discernement. Mais que va faire la cour d'assises de ce tout petit peu ? Les jurés restent avec cette image terrible d'un petit enfant mort sur la plage, ramené par la marée montante. Quels mots vous choisissez pour vous adresser à eux ? Ce sont eux qui donneront le verdict et qu'il faut convaincre là. À cet instant, je dois faire remonter les jurés de la plage. De même façon que Fabienne me disait « Vous êtes restés sur la plage », je le dis aux jurés « Ne restez pas sur la plage », c'est-à-dire ne restez pas là, dans l'effroi de ce petit corps ramené par la marée montante. Et je leur raconte un rêve que Fabienne m'avait décrit quelques jours avant le procès. Elle m'avait raconté qu'elle avait, dans son rêve, vu Adélaïde, qui entrait dans le prétoire de la cour d'assises, qui mettait sa main dans la mienne, qui s'asseyait en tailleur à mes pieds pendant ma plaidoirie, qui me regardait, qui partait avec moi sa main dans la mienne. Et je livre ce rêve aux jurés, et je leur demande de partir en délibéré, partir pour délibérer sur la peine, avec, dans une main, la main de Fabienne, et dans l'autre, la main d'Adélaïde. Et c'est aussi pour moi une façon de leur dire que ces deux-là ne sont pas dissociables. Que Fabienne reste la mère d'Adélaïde et que pour autant qu'elle l'ait abandonnée sur une plage, elle ne la quitte pas. Fabienne et Adélaïde restent ensemble. À suivre, épisode 2. Fabienne Cabou, une femme sous influence. La main de Fabienne Cabou, je la mets dans la vôtre. Et quand vous sortirez de cette salle, alors sortez avec dans une main celle de Fabienne et dans l'autre celle d'Adélaïde. Fabienne Cabou sera condamnée à 20 ans de prison par la cour d'assises du Pas-de-Calais, puis en appel à 16 ans. Avec Fabienne Roy-Nancion, avocate à Boulogne-sur-Mer, Daniel Zaguri, expert psychiatre auprès des tribunaux, Alice Diop, cinéaste, Mélanie Martinez-Lenz, actrice, performeuse et auteure. Prise de son, Claude Nior et Christophe Papon, au mixage, Valérie Lavalard, une émission coordonnée par Christine Bernard, Fabienne Cabou, Que la mer emporte son corps, un documentaire de Nejma Bouakra et Marie-Laure Ciboulet.